Jésus, plus que toi. Sur le chemin du Golgotha, vers la mort mène ses pas. Il marche pour les malheureux, ceux dont personne ne veut. Les oubliés de la chance, tous ceux qui souffrent en silence. Acteur ou spectateur du grand théâtre de la vie, les gens se moquent et rient de lui. Pourtant il y en a quelques-uns qui savent lui tendre la main. Petit geste de rien, mais qui font tant de bien. Chacun porte sa croix, mais Jésus plus que toi a vu son destin se briser contre les murs des préjugés. Il marche pour les hommes à qui on a volé la terre. Il marche et il pardonne à ceux qui lui jettent des pierres. De tous abandonnés, ballottés comme un bout de bois, il tombe mais se lève à chaque fois. Ne pas perdre courage, fuir avant de mourir. Les mots de son dernier message, des mots pour l'avenir. Chacun porte sa croix et Jésus avec toi. Sur les sentiers de l'espoir, dans sa lumière, tu avances. Malgré tes misères, ta jalousie, tes colères, tu marches en oubliant la douleur qui brûle ton cœur.